tu bosses. J'suis dans Ratchimon, j'vais dans la pièce. Colis passe pas par la bosse. J'suis avec comme ça, détaille. Il pleut des balles à la fin de l'épisode. On la détaille, la ravitaille. Elle est tellement belle qu'elle a causé des morts. 100 grammes, 1 kill, Pablo. Ça fait beaucoup, j'dors plus beaucoup. Planning bouclé, 4 jours dans la semaine, j'suis bouqué. Trop de quantité, bonne qualité. J'en ai plus que tu critiques. Et de la gifrette, propose une feuille pour les tirer. Eh, oh. Et j'rejoins Geeks dans le bloc, sa mère. Détesté par les cops, déféré pour de la merde. Trois trous, des masses, race, tout retrace, gros salaire. En face dans le tas, ils me connaissent pas, j'ai laissé aucune trace. Allez, niquez mon honneur, j'suis dans la ville avec S. Que tu penses que tu peux nous la mettre? Wow, serein, les deux pieds dans la tête. Compte l'oseille que j'peux claquer au reste. Top, on vous confirme qu'on vous baisse tous. On lâche des albums ou des baisses. Top, on va répéter qu'on les baisse tous. Le soir défoncé, on en rigole. Pas compliqué, nous on encaisse tout. En gros, tu m'as vidé la caisse. Toi, j'rentre dans l'appart, la goulée comme d'hab. En plus, on est rentré par le toit.